décupler ma peine, sans bruit, sans jamais crier, ainsi sans jamais finir les phrases. Elles ont déjà si mal commencé. On sait que tout est foutu, que rien ne s'accorde quand les autres s'en mêlent. Mais ils s'en mêlent toujours, ils sont toujours présents pour trouver que rien ne va quand ça ne leur ressemble pas. On peut s'exiler de leur vue, mais on ne peut pas s'échapper de soi. Quand par habitude ou lassitude, on s'accommode de leur vie. On sait que tout est foutu, que rien ne s'accorde quand les autres s'en mêlent. Mais on parle comme eux, on vieillit comme eux, on aime comme eux, on aime mal. Espérer et prier jusqu'à la fin, de voir enfin des yeux avec de vraies larmes. On sait que tout est fini.